Piste 38. Exercice 5. 1. Il y a une station de métro? 2. Il n'y a pas de fleuriste dans le quartier. 3. L'hôtel est près de la plage? 4. Sur la place, il y a une fontaine? 5. Il y a beaucoup de restaurants.